Les aventures de Tom Sawyer. Bonjour. Que diriez-vous de passer un petit séjour à Saint-Pétersbourg, dans l'état du Mississippi, aux États-Unis? C'est là qu'habite Tom Sawyer avec sa tante. Mais laissez-moi vous présenter cet espiègle en vous racontant un de ses exploits. Tous les lundis matins, Tom est malheureux. À l'idée d'avoir une longue semaine d'école, ça lui déclenche aussitôt des maladies. Ce matin, il se tourne et se retourne dans son lit en gémissant. « Aïe, j'ai mal !» Alertée par ses jérémiades, Tante Polly monte les escaliers 4 à 4. Et quand elle voit les grimaces que fait son Tom chéri, elle lance toute tremblante « Tom, qu'est-ce qui t'arrive ?»« Mon orteil est atteint de gangrène. Je vais mourir !» Tante Polly s'affale sur une chaise, partagée entre les rires et les pleurs. Qu'est-ce que tu peux être bête, Tom? Dire que j'ai eu peur. Arrête tes simagrées et sors de ton lit. Le ton de Tante Polly est si convaincant que les douleurs de Tom cessent aussitôt. Complètement guéri, il court en direction de l'école. Mais quand il passe devant la maison de l'avocat Jeff Thatcher, il s'arrête net. Sa fille est en train de s'amuser dans le jardin. Tom n'a jamais vu une petite fille blonde aussi jolie. Elle est tout habillée de blanc, et le bleu de ses rubans rappelle celui de ses yeux. Hélas, le jeune garçon a beau grimper aux arbres et faire des pirouettes pour se faire remarquer, rien n'y fait. La fillette rentre chez elle en faisant mine de n'avoir rien vu. Découragée, Tom poursuit son chemin, tête baissée, quand il se cogne dans un copain. « Ah, salut, Huck !»« Salut, Tom !» Huck est le garçon le plus pauvre du village, et toutes les mères le regardent de travers. Elles le trouvent fainéant, mal élevé, insupportable et vulgaire. En revanche, tous les enfants rêvent de lui ressembler. Comme les autres garçons, Tom n'a bien sûr pas le droit de jouer avec lui, mais ça, il s'en fiche. Si seulement il pouvait vivre comme Huck. Libre. Il n'est pas obligé d'aller à l'école, ni d'aller à l'église. Il va à la pêche quand ça lui chante. Il rentre chez lui quand il en a envie. Et surtout, personne ne l'oblige à se laver ou à s'habiller proprement. Sa veste est déjà couverte de taches, et voilà qu'il serre contre lui une bête toute sale. En voyant l'animal immobile, Tom s'écrie « Qu'est-ce que tu as là ?»« Un chat mort ?» Ben, qu'est-ce que tu vas en faire ? Il va guérir mes verrues. Tom n'en croit pas ses oreilles. Comment un chat mort peut-il soigner des verrues ? Devant son air intrigué, Huck lui explique. On emmène simplement le chat au cimetière sur la tombe d'un méchant homme qu'on vient d'enterrer. À minuit pile, des diables surgissent près de la tombe. Évidemment, on ne peut pas les voir. Mais on les entend murmurer. Et quand ces diables emmènent le cadavre, tu leur lances le chat mort en disant « Diable, suis le cadavre, chat, suis le diable, verrue, suis le chat ». Crois-moi, la verrue s'en va pour toujours. Tout excité, Tom s'empresse de lui dire. « Dis donc, Huck, tu y vas quand au cimetière avec ton chat ?»« Cette nuit. C'est cette nuit que les diables viennent chercher le vieux Os Williams. » Tu veux bien que je t'accompagne ? Pourquoi pas ? Du moins, si tu n'as pas peur. Peur, moi ? Tu plaisantes ? D'accord. Je t'attendrai ce soir en bas de chez toi. Je miaulerai deux fois pour t'avertir. Salut ! Évidemment. La discussion est si intéressante que Tom arrive en retard à l'école. Pour le punir, son maître lui ordonne de s'asseoir dans le coin des filles. Et c'est sous les éclats de rire des élèves que Tom cherche une place. Mais le voilà qui se met subitement à rougir comme une tomate. La seule place libre se trouve à côté de la jolie petite fille blonde qu'il a vu jouer dans le jardin. Tom sort aussitôt son ardoise et se met à dessiner en faisant un écran de sa main. Curieuse, la fillette tente de regarder et lance à voix basse. Fais-moi voir. Quelle belle maison. Dessine-moi une poupée maintenant. Tom s'exécute et dessine une très vilaine poupée. Mais... Quelle merveille. Dessine-moi en train de marcher dans la rue. Tom esquisse alors une sorte de sablier avec une tête ronde comme une pleine lune et des manches à balai en guise de bras et de jambes. Époustouflé, sa voisine chuchote. Ce que tu dessines bien, j'aimerais pouvoir en faire autant. T'as rien de plus facile? Je t'apprendrai. Quand? À midi, après les cours, d'accord? Puis, Tom marque une petite pause et demande timidement. Comment t'appelles-tu? Becky Thatcher. Et toi? Thomas Sawyer. Mais ceux que j'aime m'appellent Tom. Tu m'appelleras Tom, d'accord? D'accord. En donnant son premier cours de dessin à Becky, Tom a le cœur qui tape. Il dit d'une petite voix, « Tu voudrais être fiancé ?»« Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire ?»« C'est facile comme tout. Tu dis à un garçon que tu l'aimes et que tu l'aimeras toujours. Après, tu l'embrasses et c'est fini. » Tom prend alors doucement Becky dans ses bras et lui chuchote à l'oreille. Je t'aime. À présent, à toi de me le dire. La fillette hésite une seconde, puis, timidement, pose sa bouche tout contre les boucles de Tom. Elle balbutie. Je... À ces mots, Becky file dans un coin de la classe et cache son visage avec son tablier. Tom est aussi très ému. Et quand les cours reprennent et que le maître l'interroge, il confond les lacs avec les montagnes avec les fleuves et les fleuves avec les continents. Comme chaque soir, Tom a ordre de se coucher à 9h30. Il pense tant à Becky qu'il s'endort la tête dans les étoiles. Soudain, il est réveillé en sursaut. Un chat miaule au dehors. C'est le signal! Huck m'attend! Une minute plus tard, Tom est habillé de pied en cap et se glisse à pas de loup près du hangar. Huck est là, le chat mort dans les bras. En silence, les deux garçons disparaissent dans l'obscurité et atteignent une demi-heure plus tard le vieux cimetière. Après quelques hésitations, ils finissent par trouver la bonne tombe. Un peu mal à l'aise dans cet endroit si obscur, ils se cachent derrière trois gros troncs d'arbres et attendent. Mais, quand le ululement d'une chouette brise le silence, ils se mettent tous les deux à frissonner. Rassemblant son courage, Tom murmure. Huck, tu crois que ça plaît aux morts qu'on soit ici? Je ne sais pas. C'est lugubre, hein? Soudain, Tom saisit son ami par le bras. Chut! Écoute! Qu'est-ce qu'il y a? T'entends pas ces gémissements? Terrorisé, Huck souffle. Ciel! Les diables arrivent. Qu'est-ce qu'on va faire, Tom? Je ne sais pas. Tu crois qu'ils peuvent nous voir? Tremblant de la tête aux pieds, les deux garçons s'enfoncent dans des fourrés quand ils aperçoivent la lueur d'une vieille lanterne. Soudain, ils entendent la voix de trois personnes. Huck reconnaît l'une d'elles. C'est la voix de Meuf Potter. Tu en es sûr? Et comment? Ne bouge pas, Tom. Ils arrivent par ici. Écoute, Je reconnais aussi la voix de Joe l'Indien. Tu as raison. Je préférerais voir le diable que ce type-là. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent donc bien chercher par ici ? Les trois hommes s'arrêtent devant la tombe de Hoss Williams, juste à côté de la cachette de Tom et de Huck. Et quand le troisième homme ordonne aux deux autres de sortir le cercueil de la tombe, les garçons reconnaissent tout de suite la voix du docteur du village. Soudain, le travail effectué, Potter, l'un des complices, pointe son couteau contre le visage du docteur. Voilà, monsieur. Donnez-nous $100 de plus, sans quoi on laisse tout en plan. Interdit, le docteur réplique. Qu'est-ce que ça signifie ? Je vous ai déjà payé. S'approchant du docteur d'un œil mauvais, Joe l'Indien lui rétorque. C'est exact. Mais on veut davantage à présent. Il y a 3 ans, votre famille m'a chassé alors que je demandais à manger parce que j'avais faim. Vous pensiez que j'avais oublié. Je veux qu'on règle nos comptes. En guise de réponse, l'Indien reçoit un violent coup de poing de la part du docteur, puis s'écroule sur le sol. Furieux, Potter se rue sur le docteur, mais perd son couteau dans l'empoignade. Soudain, dans une volte-face, le docteur réussit à se dégager et envoie le couvercle du cercueil sur son adversaire qui s'évanouit. Rapide comme l'éclair, Joe l'Indien se jette alors sur le docteur et lui enfonce le couteau dans la poitrine. Mortellement blessé, le docteur s'effondre sur le corps de Potter. Soulagé, l'Indien lâche aussitôt. Cette fois, tu as ton compte, sale type. Avec le plus grand sang-froid, Joe fouille les poches du docteur et place le couteau dans la main droite de Potter. Quelques minutes plus tard, Potter revient enfin à lui et dans un frisson, laisse tomber l'arme. Il s'assoit, repousse le cadavre du docteur et croise le regard de son ami. Que s'est-il passé, Joe ? Une sale affaire. Dis, pourquoi tu l'as tué ? Moi ? Mais je n'ai rien fait ! Sans sourciller, l'Indien montre le corps inanimé. Regarde, c'est pourtant clair. Tremblant comme une feuille, Potter dit d'une voix blême. Mais je ne me souviens de rien, Joe. Dis-moi comment ça s'est passé. Oh, quelle horreur! Un homme si jeune et si gentil. Vous vous battiez? Il t'a frappé avec une planche du cercueil et tu es tombé. Tu t'es relevé. Et comme il voulait te redonner un coup, tu l'as touché à la poitrine. Tu t'es effondré et tu es resté étendu par terre, comme mort. Affolé, Potter continue d'une voix saccadée. Je ne savais pas ce que je faisais. Oh, tout ça, c'est la faute du vin. Je t'en supplie, Joe. Ne dis rien de tout ça. Terrifié d'avoir accompli un tel acte, Potter tombe à genoux devant le vrai meurtrier, puis se met à pleurer. Caché dans les buissons, Tom et Huck sont pétrifiés d'horreur. Ainsi, Joe l'Indien a trahi son ami en lui faisant croire qu'il avait tué le docteur. Les deux complices partis, Tom annonce à Huck. Qui racontera tout ça ? Nous ? Tu es fou ? Joe nous tuerait tous les deux. C'est Potter, l'ivrogne, qui racontera tout. Il n'y a qu'à le laisser faire. Mais Huck, il n'a rien vu. Comment veux-tu qu'il raconte quoi que ce soit ? Oh, c'est vrai. Tom réfléchit un instant et propose à son ami. Huck, il faut absolument garder le secret. Compte sur moi. Joe est capable de nous noyer comme de vulgaires chats si nous parlons. Après avoir fait le serment de ne jamais rien dire, les deux garçons regagnent chacun leur maison. Mais la tante de Tom a passé une nuit d'angoisse. Elle l'accueille en pleurant. Si tu continues comme ça, j'aurai bientôt des cheveux tout blancs. Tom est triste de voir sa tante dans cet état, mais il a promis de ne rien dévoiler. Vers midi, des rumeurs se répandent dans tout le village. On vient de découvrir le corps du docteur et le couteau de Potter laissé à côté du cadavre est clairement identifié. Aussitôt, tous les habitants de Saint-Pétersbourg se précipitent au cimetière. L'un d'eux s'écrie « Compagne Muff Potter ! Le voilà, c'est lui !» Le shérif a le plus grand mal à calmer la foule en colère. Il parvient enfin à s'approcher de Potter, qui éclate aussitôt en sanglots. « Ce n'est pas moi qui ai fait ça! Parole d'honneur !» Et voilà que Joe l'Indien raconte sa version des faits et accuse son ami avec le plus grand sang-froid. En entendant ses mensonges, Tom et Huck n'ont qu'une envie, briser la loi du silence qu'ils se sont jurés d'observer. Mais Potter met tout par terre en affirmant qu'effectivement, c'est bien lui qui a tué le docteur. Tandis que Joe l'Indien réussit à répondre à toutes les questions de l'enquête, le pauvre Potter est jeté en prison. Dès qu'il le peut, après l'école, Tom donne rendez-vous à Huck et il file rendre visite aux prisonniers. Parfois, déjouant la surveillance des gardiens, les deux garçons lui glissent même du tabac et des allumettes. Ému, Potter les remercie. « Vous êtes si bons pour moi, les gars. Personne ne s'est montré aussi gentil au village. Jamais je ne l'oublierai. » En rentrant chez lui, Tom se sent malheureux. Le soir, il a du mal à s'endormir. Et la nuit, il rêve que Potter se balance au bout d'une corde. Quelques semaines plus tard, tout le village se presse autour du palais de justice. C'est le jour du jugement. Tom s'avance vers Huck et lui chuchote inquiet. Tu as parlé à quelqu'un ? Qu'est-ce que tu crois ? À personne, non ? Tu sais bien que si on parle, on n'en aura pas pour plus de 2 jours à vivre. Tom est rassuré, mais il reprend d'une voix sombre. Qu'en pensent les gens, Huck ? Tout le monde accuse ce pauvre Potter. La salle d'audience du tribunal est pleine à craquer. Le juge fait entrer Potter. Il a des chaînes aux pieds et son teint est livide. Dans le plus grand sérieux, on appelle alors 2 témoins qui ont vu, paraît-il, Potter se promener près d'un ruisseau. Mais hélas, aucun des témoignages n'apporte le moindre indice pour l'innocenter. Le procureur en conclut donc que le pauvre Potter sera pendu haut et court. Tom ne supporte plus de se taire. Il se faufile parmi la foule et dévoile son secret à l'avocat de Potter. Aussitôt, Tom est appelé à la barre. Très intimidé, le jeune garçon bredouille des mots incompréhensibles, mais très vite, il raconte clairement tout ce qu'il a vu et l'assistance tout entière retient son souffle. Seul, Joe l'Indien murmure un juron entre ses dents. À la fin de l'exposé, Tom hausse soudain le ton et lance d'un air solennel. Et quand le docteur a abattu le couvercle du cercueil et que Potter s'est effondré, Joe l'Indien a brandi son couteau et... Tom n'a pas pu terminer sa phrase. Rapide comme l'éclair, Joe bouscule tout sur son passage et s'enfuit par la fenêtre du tribunal. Potter est immédiatement relâché. Quant à Joe l'Indien, il a bel et bien réussi à prendre la poudre d'escampette malgré les fouilles minutieuses opérées dans toute la région. Après plusieurs nuits de cauchemars, Tom redevient enfin insouciant et se sent à nouveau prêt à partir pour l'aventure. Un jour, il propose à Huck. Tu aimerais devenir pirate ? Pirate ? Mais que font-ils ? Ils ont une vie sensationnelle ! Ils prennent à l'abordage des bateaux qu'ils font brûler, ils cachent des trésors qu'ils ont trouvés sur leur île, et ils sont couverts d'or, d'argent et de diamants. Tu connais l'île Jackson ? Non. C'est où ? En plein milieu du Mississippi. C'est une île déserte avec un banc de sable. Ce sera notre plage, d'accord ? Excités à l'idée de vivre comme des pirates, les deux amis partent le soir même à bord d'un radeau. Tom a apporté des jumelles et des cannes à pêche, ainsi qu'un énorme jambon fumé. Mais le Mississippi est si vaste à cet endroit qu'il ressemble à un véritable océan. D'ailleurs, le courant est tel que Tom et Huck ont beaucoup de mal à pagayer dans la bonne direction. Après 2 heures de dure navigation, le radeau échoue enfin sur l'île Jackson. Aussitôt, les deux pirates mettent leurs provisions à l'abri sous un arbre, allument un bon feu, puis s'endorment à la belle étoile. Le lendemain matin, Tom, à peine réveillé, pique une tête dans le fleuve bouillonnant, puis revient secouer son ami encore endormi. « Allez, debout, Huck ! On va explorer l'île !» Le sol de l'île est jonché de feuilles et de branches mortes. Les deux garçons s'amusent comme des fous à celui qui en fera craquer le plus. D'impressionnantes lianes descendent des arbres. Parfois, ils débouchent sur des clairières tapissées d'étranges fleurs. Mais au fil de la journée, le silence de l'île, la solitude du lieu, commence peu à peu à les impressionner. Tom songe à sa maison et aux bons plats que lui préparait Tante Polly. Huck, lui, regrette son tonneau, où il avait l'habitude de dormir. Mais aucun des deux n'ose avouer à l'autre qu'il a tout simplement très envie de rentrer. Leurs pensées sont tout à coup interrompues. Un orage gronde soudain comme une menace au-dessus de leur tête. Le vent se met à siffler dans les arbres. Un nouvel éclair illumine le bois et un effrayant coup de tonnerre retentit. Affolés, Tom et Huck se serrent l'un contre l'autre, se promettant de partir dès le calme revenu. Tante Polly est si heureuse de retrouver son Tom chéri qu'elle le couvre de baisers et de petites claques sur les joues. Hélas, l'école buissonnière est terminée et Tom doit reprendre ses habitudes. Se lever, se laver, aller à l'école, faire ses devoirs, bref, mener une vie régulière de petit garçon. Seulement voilà, Tom a horreur de faire tous les jours les mêmes choses. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'aventure. Alors au bout de quelques semaines de routine, il a une idée. Il file voir son copain Huck. Ça te dirait de partir à la recherche d'un trésor ? Interloqué, son ami se demande si Tom ne rêve pas. Un trésor ? Où allons-nous en trouver ? Bah, partout ! Dans des maisons hantées, par exemple ! Mais qui cache ces trésors ? Des voleurs, cette question !